Dis-moi, Cthulhu, j'ai une question pour toi. C'est qui ton grand ancien préféré? C'est plutôt Azathoth ou plutôt Nyarlathotep? Oh, tu pourrais faire un effort pour articuler. Hein. Salut à toi, messieurs, mesdames, personnes non binaires. On est de retour pour une nouvelle vidéo. J'ai de nouveau mon assistant, Victor, avec moi. Victor, en tant que maintenant que tu es un vétéran du jeu de rôle, quoi. Je veux dire, ça fait 3 ans que tu pratiques. Est-ce que tu peux me dire, Victor, tu connais l'expression l'important c'est de s'amuser. Est-ce que tu t'amuses pendant les parties de jeu de rôle? Oh Oui, et pourquoi c'est amusant les parties de jeu de rôle? Qu'est-ce qui t'amuse? c'est lesquels? C'est quand tu dois faire, quand je dois faire les, par exemple, un code, Tu dois déchiffrer un code? ou des fois quand faire des actions, Ah, ou quand tu c'est aimes un faire jeu des de rôle actions, d'action. un jeu de rôle d'action, bah oui. Ok, bon bah on a eu l'avis de Victor. Je vais me permettre aussi de donner le mien, de humble avis. L'important, c'est de s'amuser. C'est une vieille expression qu'on voit beaucoup circuler sur l'internet rôliste. Et qui est un peu, vous savez, la vieille expression de fin de débat, quand on commence à avoir un débat sur le jeu de rôle qu'on n'est pas d'accord, il y a toujours quelqu'un qui va finir par dire, ouais, de toute façon, l'important c'est de s'amuser, arrêtez de nous embêter avec vos questions et tout. Donc, et ben justement, on va s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-entend, cette petite expression qui a l'air comme ça toute innocente, l'important c'est de s'amuser. Alors, le problème principal dans cette expression, si tu veux, c'est que s'amuser, ça n'a pas le même sens pour tout le monde. Enfin, en tout cas, ça n'a pas le même sens pour chaque rôliste, quoi. Il y a plusieurs types d'amusement. Tu vas avoir un plaisir social, c'est juste faire du jeu de rôle pour être avec des gens sympas. Tu vas avoir un plaisir tactique. Donc là, c'est le plaisir de pousser du pion, du dé, se creuser les méninges, quoi. Tu as un plaisir esthétique, le plaisir de co-construire une belle, enfin, une belle histoire ou d'explorer un univers captivant. Attends, tu peux sauter comme ça, papa, mais arrête de me cacher le visage, après ils vont croire que c'est un lapin crétin. Et puis, tu as le plaisir moral, enfin, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais dans le jeu de rôle moral, le plaisir qu'on a, c'est de te confronter à des dilemmes moraux, à du drame et tout. C'est un peu bizarre parce que du coup, on se dit, ouais, mais alors en fait, enfin, je pense que vous avez tous connu des rôlistes ou des génistes qui disent, ah, cette partie était géniale, j'ai pleuré et tout. Tu dis, mais c'est quoi ces gens, ils sont masos? Eh bien, oui, justement, il y a un plaisir que Axel Cazeneuve appelle la parapatie, pour utiliser un terme barbare. Une sorte de plaisir maso, effectivement, à jouer des drames, à jouer une histoire poignante et tout, et du plaisir simplement d'avoir des émotions fortes, quoi. Alors, ouais, tu vois, super, j'ai pleuré en faisant du jeu de rôle, trop bien. Bon, globalement, pour synthétiser un peu toutes ces définitions de l'amusement, je te dirais que il y a deux façons de s'amuser. Il y a s'amuser dans le sens de se détendre, être dans sa zone de confort, versus s'amuser où on est plutôt dans le dépassement de ses limites ludiques, dans ce qu'on pourrait appeler le fameux jeu en performance, où il s'agit en fait de faire du jeu de rôle pour faire une performance artistique, que ce soit au niveau de la fiction ou au niveau de l'utilisation des règles, où là, il y a quand même clairement un sens voilà, de performance, donc un certain effort à fournir, mais c'est cet effort en lui-même qui est un plaisir. Tu veux que je te pose une question? Ben toi, Boba, quand tu fais du... Attends, on te montre. Boba, quand tu fais du jeu de rôle, est-ce que c'est un effort ou est-ce que ça devient tout naturellement et c'est vraiment du loisir? C'est vraiment du loisir. Et toi, Victor, quand tu fais du jeu de rôle, c'est un effort ou c'est plutôt du loisir? C'est C'est plutôt pour... Du plutôt loisir, hein, super. Donc, cette expression importante, c'est de s'amuser, elle peut être embêtante dans certains cas. Mais avant, il faudrait quand même que je te parle de mon sponsor, évidemment. Eh bien, ce sont les pièges de Grimtooth. Imagine, des aventuriers vont dans ton donjon, ils vont défroyer tous tes monstres, ils vont tout abîmer, tout casser, voler tous tes trésors. Mais il faut pas te laisser faire, il faut pas te laisser faire. C'est pour ça que tu peux, tu peux te faire livrer des pièges de Grimtooth. Il y en a pour tous les formats, de tout type, des pièges qui vont inonder les pièces de ton donjon, des murs hérissés pointes qui se rapprochent, des trésors qui peuvent dévorer les aventurières. Voilà, il y a vraiment un peu tous les styles de pièges, vraiment avec des choses trappes bien revêches, des boules qui roulent dans les couloirs et tout. Tu vas pouvoir, en 4 paiements faciles de 99$, tu peux te faire livrer déjà un piège entrée de gamme que je te conseille de mettre directement à l'entrée de ton donjon, parce que bon, autant en finir le plus vite possible. Bon voilà, on remercie bien notre sponsor, les pièges de Grimtooth, sans qui ces vidéos ne pourraient pas exister, hein, donc on leur fait des gros bisous. Et puis on poursuit donc sur le fait de l'importance est de s'amuser. J'avais dit que c'était embêtant parce que parfois cela signifie c'est une expression qui est utilisée pour dénigrer toute pratique qui ne serait pas du divertissement, quoi. Et donc mais pourquoi vous faites du drama alors qu'en jeu de rôle l'important c'est de s'amuser? Pourquoi vous faites de l'art voilà, l'important c'est de s'amuser. Pourquoi vous faites de la sécurité émotionnelle, machin, enfin, ce genre de trucs. Et c'est aussi, ça va être utilisé pour dénigrer une pratique du jeu de rôle qui serait politique. Et là, c'est vraiment là où c'est le plus embêtant, si tu veux. Parce que quand tu commences à venir critiquer les personnes qui mettent de la politique dans leur jeu de rôle, c'est un petit peu passé sous le tapis que de toute façon, toute partie de jeu de rôle est politique. Enfin, il y aura forcément, il y aura forcément des enjeux sociétaux, des références à nos enjeux de la vraie vie, qui, de façon plus ou moins métaphorique, qui vont être présents. Enfin, si tu veux, même une partie de Donjons et Dragons de base où on joue des aventurières qui massacrent des humanoïdes dans des donjons pour ramasser de l'or, je suis désolé, en fait, il y a un truc politique derrière, quoi. Même quand tu joues de façon un petit peu innocente, c'est quand même politique. Cette expression, l'important c'est d'amuser, elle va être aussi embêtante dans un autre cas, c'est si tu privilégies ton amusement sur celui du reste de la table. Donc ça va être le cas des MJ dirigistes, ça va être le cas des personnes qui ne respectent pas la sécurité émotionnelle des autres, ça va être le cas des personnes qui monopolisent le temps de parole, ou tout simplement quand des personnes qui ne vont pas faire de ta maman qui te demande quelque chose, Victor, tu vas voir, qui vont pas faire une négociation commune du contrat social en début de partie, quoi. Donc j'impose, c'est souvent les MJ, hein, mais pas toujours, mais c'est en gros, j'impose mon scénario, ma partie, mon style de jeu, parce que l'important c'est que je m'amuse, et puis les autres, vous êtes juste des outils pour que ma partie de jeu de rôle ait lieu, et puis qu'importe si c'est dans vos goûts ou pas, quoi. Ce que je vous ai posé, mon petit scénario Vampire à la mascarade, où tout le monde va souffrir. Bon, Victor n'est plus là, mais du coup, je bouge les lapins crétins à sa place pour faire style qu'il est encore là, quoi. Ah tiens, on revoit un petit coup chat-mignon. C'est le chat-mignon. Chat-mignon. Mignon-mignon. Mignon. Voilà. Il fuit la caméra. Il est timide. C'est comme ça. Et voilà. Cependant, moi, cette expression, l'important, c'est de s'amuser, je ne vais pas la jeter à la poubelle, parce que, en fait, je trouve qu'elle est vraiment importante. Déjà, parce que, surtout si on la reprend dans un sens de l'important, c'est de s'amuser ensemble, de s'amuser collectivement, et ça, effectivement, oui, c'est important. Et c'est aussi pour se décompresser un peu en se disant, attention, une partie de jeu de rôle, c'est bien d'y mettre des enjeux de toutes sortes, mais effectivement, le principal, c'est qu'on ait passé une soirée, un moment entre humains, tu vois. Donc, il ne faut pas forcément se mettre une anxiété de performance ou une pression de performance parce qu'il faut absolument que ce soit la partie parfaite. Ah, la partie parfaite, elle nous enquiquine. La partie, chercher la partie parfaite, c'est la meilleure façon, eh ben, de finir déçu à la fin et de se retrouver avec des débriefings ou un peu aigre-doux où tout le monde reproche aux autres, ah ben vous n'avez pas joué comme il aurait fallu jouer pour que la partie soit parfaite et tout. Donc voilà, oubliez ces histoires de partie parfaite, lâchez prise parce que l'important, c'est de s'amuser et l'important, c'est de se faire des bisous. Je vous dis bisous. Victor, est-ce que tu dis bisous à tout le monde? Tu regardes pas la caméra, tu dis bisous? Bisous! Bisous, bisous. Salut. Et n'oublie pas, tu t'abonnes, tu...